الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc dans l'explication du livre Le Ma'at al-Atiqad al-Hadi ila Sabil al-Rashad, un livre de l'imam Nuqdam al-Maqdisi et une explication de Cheikh al-Fawzan Hafidahullah ta'ala. Donc la semaine dernière on avait continué à expliquer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur al-Bid'ah, sur l'innovation, que toute chose nouvelle dans la religion était une innovation, que toute innovation est égarement. Que toute innovation est égarement. On avait cité la parole de Abdullah ibn Mas'ud lorsqu'il dit: suivez et n'innovez pas, car cela vous suffit. Car cela vous suffit, c'est-à-dire ce que vous a apporté le prophète sallam et ses compagnons radhiyallahu anhum vous suffisent. N'ajoutez pas des choses en plus dans la religion, car ceci est égarement, et tout égarement. Car ceci est une innovation et toute innovation est égarement. Ensuite, on avait cité une partie de la parole de Omar ibn Abdul Aziz radiallahu anhu, qui fait partie des, qui est considéré comme étant le 5e calife de l'islam. Il a dit une parole qui, dont le sens est: arrête-toi là où s'est arrêté le peuple, car ils se sont arrêtés avec science et ils se sont abstenus grâce à un regard perçant, c'est-à-dire dans la science. ثم قال ولهم على كشفها كانوا أقوى ولهم على كشفها كانوا أقوى. C'est-à-dire que les choses dont se sont abstenus les salafs et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'ils avaient la science pour expliquer les choses dont ils se sont abstenus? كانوا على كشفها لهم يعني على كشفها كانوا أقوى. C'est-à-dire qu'ils étaient les plus aptes à parler de ces choses dont ils se sont abstenus. C'est-à-dire qu'ils avaient un bagage de science qui était largement suffisant pour expliquer, pour pouvoir expliquer les choses dont ils se sont tus. Donc ceci prouve que s'ils se sont tus sur des choses, c'est par connaissance de cause, et que ce sont des choses qui ne méritent pas d'être dites et d'être expliquées. D'accord ? Car certains vont dire: mais ils se sont tus parce qu'ils ne savaient pas. On dit: non, ils sont plus savants que toi et que nous. Et justement, le fait d'attester qu'ils ont de la science et que malgré leur science, ils se sont tus sur des sujets, cela veut dire que ce sont des sujets dans lesquels nous aussi nous devons nous taire. وبالفضل كانوا فيها أحرى فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي. Puis l'imam Qudam, Omar ibn Abdul Aziz a dit: وبالفضل لو كان فيها أحرى. C'est-à-dire que s'il y avait un mérite dans ces choses dont ils se sont tus, ce seront les personnes qui s'y précipiteraient le plus. C'est-à-dire, s'il y avait un mérite et un mérite dans les choses dont ils se sont tus, est-ce qu'ils se seraient précipités plus que nous ou pas? Bien sûr. Donc le fait qu'ils ne se sont pas précipités ou n'ont pas parlé de ces choses, ça veut dire qu'il n'y avait pas de mérite. قال الشيخ الفوزان: ولو كان بهذه الأشياء التي سكتوا عنها لو كان فيها فضل لكانوا هم أحرى بالفضل فلدخلوا فيها فدل على أن الدخول فيها ليس من فضل وإنما هو من الجهل والضلال. الشيخ الفوزان حفظه الله dit: et s'il y avait dans ces choses dont ils se sont tus, s'il y avait des mérites, ce seraient ceux qui y auraient le plus accouru et seraient entrés dans ces choses. Fadalla, et le fait qu'ils ne sont pas entrés dans ces sujets prouve qu'il n'y a pas de mérite et que le fait d'y rentrer, ce n'est autre que de l'ignorance et de l'égarement. Fala'in qultum, et si vous dites hadatha ba'dahum, qu'il y a des choses nouvelles qui sont arrivées après eux, fama ahdathahu illa man khalafa hadiyahum wa raghiba 'an sunnatihim. Ceux qui ont innové après eux l'ont fait en contradiction avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'est détourné de leur sunnah. قال الشيخ الفوزان هذا جواب عن اعتراض قد يرد على كلامه رحمه الله وهو إن قلتم إنه حدث بعدهم أشياء فنحن نحدث ألفاظا ونحدث عبارات لم يقولوا بها لأن هذه الحوادث ما حصلت في وقتهم فنقول لا نجاة إلا باتباعهم فإذا أردت أن ترد على هذه المحدثات فرد عليها بأن ما أحدث بعدهم لا خير فيه. Ceci est la réponse que peuvent dire certaines personnes en réponse à la parole d'Omar ibn al-Aziz. C'est le fait que certaines personnes disent qu'il y a des choses qui sont arrivées après eux. C'est pour cela que nous avons innové de nouveaux termes et de nouvelles expressions qu'ils n'ont jamais dites, car ce sont des sujets qui n'existaient pas à leur époque. Certains ont dit, mais nous, on utilise des nouveaux termes, en l'occurrence dans l'asma wa sifat, car il y a des sujets qui sont apparus à notre époque, qui n'étaient pas apparus à l'époque des compagnons, radiallahu anhum. C'est pour cela qu'on utilise des nouveaux termes. Et Ash-Shaykh al-Fawzan dit, nous disons, il n'y a de survie qu'en les suivant. Si tu veux répondre à toutes ces innovations, réponds-leur que tout ce qui a été innové dans la religion après eux ne comporte pas de bien. C'est une règle. Tout ce qui est innové après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après l'époque de ses compagnons et des salafs, tout ce qui est innové dans la religion ne comporte pas de bien. وَلَقَدْ وَصَفُوا مِنْهُ مَا يَشْفِي وَتَكَلَّمُوا مِنْهُ بِمَا يَكْفِي. Ils ont décrit selon ce qui suffit, selon ce qui guérit yani les cœurs, وَتَكَلَّمُوا مِنْهُ بِمَا يَكْفِي, et ont parlé selon ce qui suffit. هُمْ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ الْفَوْزَانِ لَمْ يَقْصُرُوا رَحِمَهُمُ اللَّهُ فِي أُمُورِ دِينِهِمْ وَلَا سِيَّمَا فِي أُمُورِ الْعَقِيدَةِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ مَا قَصَرُوا فِي هَذَا وَلَا تَكَاسَلُوا بَلْ بَيَّنُوا وَوَضَّحُوا وَسَكَتُوا عَنْ أَشْيَاءَ لَا يَجُوزُ الْبَحْثُ فِيهَا فتكلم أنت بكلامهم وانقل كلامهم ولا تتصرف فيه وما سكتوا عنه أسكت عنه لا تدخل فيه إذا عرض لك شيء ولم تجد فيه كلاما للسلف فاعلم أنه سكتوا عنه ووقفوا عنه فقف أنت عنه ولا تدخل فيه. C'est-à-dire que les salafs, رحمهم الله, comme l'a dit Cheikh Fawzan, n'ont pas manqué à expliquer les choses de la religion et en particulier les sujets liés au nom et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne d'entre eux n'a manqué à expliquer, ils ne sont pas, n'ont pas été fainéants dans la recherche des explications, ils ont bien au contraire expliqué les choses, les ont montrées, les ont éclaircies et ne se sont tus que dans des choses ou dans des sujets qu'il ne faut pas rentrer. Parle donc selon leurs paroles, c'est-à-dire parle comme ils ont parlé, et rapporte leurs paroles, et ne dépasse pas les choses sur lesquelles ils se sont tus, toi aussi tais-toi dessus, ne rentre pas dedans, et d'un arad ala kashay walam tajid fihi kalaman lissala fa'lam annahu sakatu anhu. Si une chose t'est exposée et que tu ne trouves pas de parole de salaf à ce sujet, sache que c'est un sujet sur lequel ils se sont tus. Wa waqafu anhu, un sujet sur lequel ils se sont abstenus. Faqif anta an wa la tadkhul fi, abstiens-toi aussi de rentrer dans ce sujet et n'y entre pas. C'est clair ou pas? C'est clair. فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. Puis Omar ibn Abdelaziz رضي الله عنه a dit, فما فوقهم محسر, ما فوقهم يعني ما زاد عن هديهم, محسر يعني الغالي والمتجاوز للحد, وما دونهم مقصر الذي تكاسل عن اتباعهم وعن علمهم ومقصر وكسلان, فالذين خالفوا السلف بين أمرين إما غال وإما جاف, الأول محسر يعني غال ومتجاوز للحد والذي قصر دونهم مقصر لم يلحق بهم وكلا الأمرين مذموم والسلامة في السير معهم لا تقدم عليهم ولا تأخر عنهم السير معهم بمنهجهم فما فوقهم محسر c'est-à-dire celui qui est au-dessus d'eux a abusé et celui qui est en dessous d'eux a manqué. C'est-à-dire, comme l'a dit Al-Fawzan, celui qui est au-dessus d'eux, c'est-à-dire celui qui dépasse et qui fait des choses qui ne faisaient pas partie de leur voie. Muhassir, c'est-à-dire qu'il a abusé. Celui qui dépasse ou qui fait des choses que n'ont pas fait les salafs est considéré comme étant abusif et il a dépassé les limites. C'est celui qui est en dessous d'eux a manqué, c'est-à-dire qu'il ne les a pas suivis comme il aurait dû le faire et n'a pas suivi leur science. Il a donc manqué à des obligations et il est considéré comme fainéant. Sont ceux donc qui contredisent les salafs sont entre deux choses, entre deux situations. Soit ils sont abusifs, c'est-à-dire qu'ils ont abusé, ou bien alors ils se sont éloignés. Ils se sont éloignés et se sont endurcis. Et quand une personne elle est jaf, c'est-à-dire qu'elle est dure et qu'elle s'éloigne. C'est ça que le prophète Hassan m'a dit Man bada jafa. Et dans une autre version, Man sakana al-badiya jafa. Qu'est-ce que ça veut dire? Man sakana al-badiya jafa. Celui qui habite à la campagne, il devient dur. Pourquoi il devient dur? Parce que les conditions sont dures, parce qu'il est éloigné des gens, d'accord? Et il va se renfermer. Et le fait d'être éloigné et de ne pas côtoyer les gens va faire en sorte que tu durcis. Il va avoir un caractère dur. C'est pour cela que Al-Badou, les Bédouins, sont durs. D'accord ? Et parmi les paroles les plus connues, c'est Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Le Bédouin qui a uriné dans la mosquée du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit à la fin ? Oh Allah, entre nous dans ta miséricorde, moi et Muhammad, il ne rentre personne avec nous. D'accord, c'est des personnes qui rentrent dans la mosquée et urinent. C'est des personnes qui sont dures. Et pourquoi? À cause du fait qu'ils soient éloignés des gens et qu'ils sont entre guillemets livrés à eux-mêmes. Donc celui qui ne suit pas les serfs, c'est-à-dire qui manque dans ses obligations et qui ne les suit pas comme il doit les suivre, c'est-à-dire qu'il fait moins que ce qu'il devrait faire, il est considéré comme étant dur et éloigné. Et ceux qui vont à l'encontre des salafs, soit ils ont abusé, ou soit ils n'ont pas assez fait. Soit ils ont abusé, c'est-à-dire qu'ils ont fait plus que ce qu'ont fait les salafs, et donc ont ajouté, ou soit ils n'ont pas fait assez. Ils ont innové, quoi. Naam. Ils ont innové. Ceux qui ont fait al-rulu, naam. Ma zada anhum, fama fawqahum, celui qui se considère au-dessus d'eux, et qui se permet d'adorer Allah d'une façon que eux n'ont pas faite, il est considéré comme étant râlin, comme étant abusif, et qu'il a abusé dans la religion. Le premier est à abuser, c'est-à-dire qu'il a dépassé les limites. Et celui qui a manqué, c'est-à-dire qu'il a manqué vis-à-vis de leur voix, c'est-à-dire qu'il ne les atteint pas. C'est pour ça qu'on dit qu'il est éloigné d'eux, c'est-à-dire qu'il est loin derrière eux. Et les deux situations sont réprimandables. Et ce qui est demandé et la paix réside dans le fait de suivre les salafs dans la même voie qu'eux. Ni les précéder dans la voie, ni être derrière eux, mais d'aller avec eux et de suivre la route en même temps que radiyallahu ta'ala anhum. وتجاوزهم آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم هذا شرح للعبارة ما فوقه محسر وما دونه مقصر فالمقصر جفا والمحسر غلا. في عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه دي وتجاوزهم آخرون فغلوا et d'autres les ont dépassés et ont abusé وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. Parmi eux, c'est-à-dire parmi des gens qui sont entre ça, entre l'abus et le manquement, et ils sont considérés, c'est-à-dire ceux qui sont dans ce juste milieu, comme étant dans le droit chemin. يعني فيما بين المحسر والمقصر فالسلف بين المحسر والغالي وبين المقصر وهو الجافي وهم على هدى مستقيم هدى بين الضلالتين وحق بين باطلين هذه طريقة السلف رحمهم الله بين الغالي والجافي ودين الله بين الغالي والجافي دين الاعتدال والاستقامة وهو الذي أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا إليه يهدينا الصراط المستقيم المعتدل بين الغالي والجافي. C'est-à-dire qu'il faut être entre celui qui abuse et celui qui manque à ses devoirs. Les salaf rahimahullah sont entre les deux. Ils sont donc dans le droit chemin, le chemin qui est entre deux égarements, la vérité qui est entre deux faux. C'est la voie de nos pieux prédécesseurs, qu'Allah leur fasse miséricorde. Et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est entre l'abus et le délaissement, le fait de manquer à les devoirs. C'est la religion du juste milieu, la religion de la droiture, et c'est ce chemin qu'Allah Azzawajal nous a ordonné de lui demander de nous guider vers ou en direction de celui-ci lorsque l'on dit dans nos prières Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. Qu'est-ce que le droit chemin? C'est le chemin qui est juste, c'est le chemin du juste milieu, celui qui est entre l'abus et le délaissement. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. الإمام الأوزاعي رحمه الله dit suis la trace des pieux prédécesseurs même si les gens te rejettent et prends garde à l'avis des hommes même s'ils te l'embellissent par leurs paroles. الإمام كما قال الشيخ الفوزان الإمام أبو عمرو عبد الرحمن الأوزاعي وهو إمام أهل الشام رحمه الله قال عليك بأثار من سلف وإن رفضك الناس. Donc الإمام أبو عمرو كما قال الشيخ الفوزان ابن عبد الرحمن الأوزاعي qui était l'imam des gens de Sham, qu'Allah lui fasse miséricorde. Les gens de Sham qui est la région de Syrie, Jordanie, Palestine, etc. الإمام الأوزاعي كما قال الشيخ الفوزان التزم بأثار من سلف من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة وإن رفضك الناس. C'est-à-dire suis les traces des salaf parmi les compagnons, ceux qui les ont suivis ainsi que ceux qui ont vécu durant les siècles méritoires. وإن رفضك الناس يعني إذا انتقدك الناس في اتباعك للسلف إذا انتقدوك وجفوك لا تلتفت إليهم ولا تعب بذمهم لأنك على حق وما دمت على حق فالحمد لله لا تريد أنت إرضاء الناس ومدح الناس وإنما تريد إرضاء الله وتريد الحق والحق لا شك أنه في اتباع السلف فإذا رأيت من يصفك بالجمود ويصفك بالتخلف والرجعية إلى آخره وبالعصور الوسطى وبكلام من هذا القبيل لا تلتفت إليهم أبدا لأنك على الحق وهم على الباطل فلا يهمونك. نعم c'est ce qu'on a cité dans le hadith du Prophète, خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Les meilleurs gens sont ceux de mon siècle, puis ceux qui les ont suivis, puis ceux qui les ont suivis. Les générations. Puis Cheikh Fawzan a dit même si les gens te rejettent, comme a dit l'imam al-Awza'i, wa in rafadaka an-nas, même si les gens te contredisent et te rejettent, c'est-à-dire que si les gens te contredisent dans le fait que tu suives les salafs et te critiquent et t'éloignent, ne fais pas attention à eux et ne porte pas ou que leurs reproches ne t'atteignent pas, car tu es sur la vérité. Tant que tu es dans la vérité, remercie Allah subhanahu wa ta'ala, car tu ne veux pas dans cela satisfaire les gens ni les éloges des gens, mais tu veux dans cela la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu recherches la vérité, et la vérité sans aucun doute réside dans le fait de suivre les pieux prédécesseurs. Lorsque tu vois ceux qui te décrivent comme étant durs, ou ceux qui te décrivent comme étant arriérés, ou que ce que tu fais est fait dans, fait partie d'une période archaïque, ou d'autres paroles qui sont similaires, ne fais pas attention à eux, car tu es dans la vérité et ils sont dans le faux. Ne prête pas attention à eux. Et prends garde à l'avis des hommes, même s'ils te l'embellissent par la parole. Ceci, ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا فهم يزخرفون مقالاتهم ويزينونها حتى تظهر كأنها حق كما قال الله سبحانه وتعالى في أمثالهم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون فيأتيك كلامهم مزخرفا على أنه براهين عقلية وأدلة يقينية وأن إلى آخره وقد يكون عندهم فصاحة وبلاغة يجذبون بها السامع لكن ما داموا ليسوا على هدي السلف لا تلتفت إليهم ولا تعب بكلامهم لأنه زخرف. الإمام الأوزاعي رحمه الله dit: prends garde à la vie des gens, même s'ils te l'embellissent par la parole. Cheikh Fawzan hafidhahullah a dit: ceci est une mise en garde sur le fait de délaisser la voie des salafs et de prendre l'avis des hommes qui ont innové après eux, même s'ils te l'embellissent. Wa-zakhrafa, c'est-à-dire, az-zakhrafa signifie l'embellissement, et elle est issue du terme az-zakhraf qui signifie al-dhahab, qui signifie l'or, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Si les hommes ne devaient pas constituer une seule communauté non musulmane, nous aurions nous aurions fait ou nous aurions donné à leur maison des toits d'argent et des escaliers pour y monter, et nous aurions donné à leur maison des portes et des divans où ils s'accoudraient, ainsi que des ornements, c'est-à-dire de l'or. Qui connaît le sens de ce verset? Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدًا. Si les gens ne seraient pas une seule communauté, c'est-à-dire non musulmane. Et ni le sens de ce verset, c'est que Allah Azza wa Jal veut dire par là que si Allah Azza wa Jal n'avait pas peur, ou que si ce n'était pas un danger pour les croyants de devenir mécréants et de délaisser leur foi, le fait de voir des mécréants ayant des maisons avec des toits en argent et des ornements de l'or, etc. à l'intérieur, si ceci n'était pas une tentation pour les croyants, Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait donné à qui? Au kuffar. Car c'est quelque chose qui n'a aucune valeur, qui n'a aucune valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal akhiratu khayrun liman ittaqa. Et وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Et l'au-delà est meilleur et perdure. Et ces choses belles de cette vie d'ici-bas, ou les choses précieuses de cette vie d'ici-bas, sont éphémères et sont amenées à disparaître un jour. Et Allah Azza wa Jalla dit لَوْلَا وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً. C'est-à-dire, de peur que les gens ne deviennent tous mécréants, eh bien, nous aurions donné à ceux qui mécroient au tout miséricordieux, nous aurions pourvu leur maison de toits d'argent avec des escaliers sur lesquels ils monteraient sur ces toits, et nous aurions pourvu leur maison de portes et de wasurur et des divans, yani des divans sur lesquels ils s'accouderaient, wazukhurfa, et de l'or aussi. Enfin, on leur aurait donné de l'or, car cela n'a pas de valeur chez lui, subhanahu wa ta'ala. Donc ceci pour expliquer le terme zukhruf qui signifie de l'or. Fahum, donc ceux qui ne suivent pas les salafs embellissent leurs paroles jusqu'à ce qu'elles apparaissent comme étant vérité. Non. Jusqu'à ce qu'elles apparaissent comme étant vérité. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans un autre verset, ainsi à chaque prophète nous avons donné ou assigné un ennemi. Adouan shayatin al-insi wal-jin. Un ennemi qui est un diable parmi les djinns ou les êtres humains. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhruf al-qawli ghurura. Les uns des autres, ils s'insufflent des paroles qui sont embellies. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ. Et si Allah l'avait voulu, il ne l'aurait pas fait. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Laisse-les avec ce qu'ils disent. Donc, ces personnes qui ne suivent pas les salafs apportent des paroles qui sont embellies et ils les soumettent comme étant des preuves rationnelles, c'est-à-dire qu'ils sont... ils vont te sortir des théories qui sont logiques. Wa adillatun yaqiniyah, et des preuves qui pour eux sont des preuves de certitude et d'autres paroles. Wa qad yakunu 'indahum fasaha wa balagha, et certains parmi eux sont même éloquents dans leurs paroles, et leurs paroles attirent ceux qui les écoutent. Lakin madamu laysa 'ala hadhihi as-salaf, mais tant qu'ils ne sont pas sur la voie des salafs, des pieux prédécesseurs, ne fais pas attention à eux, n'écoute pas leurs paroles, car ce ne sont que des embellissements, ce ne sont que des ornements, que des choses belles à entendre, mais qui sont fausses. Elles sont belles dans la forme, mais elles sont totalement fausses dans le fond. On a fait ce qu'il y a dans le cadre, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.